بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نوت الشيخ الزي قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيره ونسليه جهنم وساءت مصيره نعم donc on continue le dars de la semaine passée. Là on était arrivé, c'était à mentionner le point numéro 7 qui est tariq al kharaf wa al najat wa huwa al ittiba' wa tark al ittiba', c'est-à-dire la voie pour être sauvé, c'est de suivre la sunna et de laisser tomber les innovations. Et donc on continue ce même point aujourd'hui, là où on est rendu. Le cheikh il dit, dans le verset, celui qui fait fusion avec le messager d'Allah après que la vérité, la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner, comme il s'est détourné. Nous le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Puis après le cheikh il dit, « Fattiba au sabil mu'minin » وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان وهو سبيل النجاة. Donc de suivre la voie des croyants, c'est-à-dire les Sahaba et ceux qui les ont suivis parmi les imams qui ont été bien guidés et de les suivre en bien, voilà la voie vers le salut. Ok. Après الشيخ يقول والاتباع إنما يكون صحيحا بثلاثة أمور تتخلص مما سبق من النصوص وهذه الأمور الثلاثة هي الأول الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عدم التفرق هذا الثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة الثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. Donc le cheikh il dit et de suivre la sunna et de suivre la voie des croyants c'est accepté et c'est valable uniquement avec trois points ou trois conditions qui sont extraits de tous les textes qu'on a déjà mentionnés au dernier cours. Et ces trois choses-là sont comme suit. La première, c'est de s'accrocher au Coran et à la Sunna, le livre d'Allah et la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, c'est de ne pas se diviser et de ne pas être en désaccord au sujet du Coran et de la Sunna. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que la façon dont on doit suivre le Coran et la Sunna doit être dans les limites de la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs, et non par la compréhension d'autres que ceux-là. Donc on doit limiter notre compréhension du Coran et de la Sunna à la compréhension des salaf salih. Et le chef il continue en disant, هذا وإن من لوازم الاتباع ترك الابتداع في دين الله. وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته لأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل أو قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاني فقد أبى. نعم هذا صحيح حديث صحيح رواه البخاري. نعم رواه البخاري. Donc voici ce que le chef vient d'expliquer ici. Parmi les choses qui sont impliquées par le fait de suivre la sunna et de laisser tomber les innovations dans la religion d'Allah, comme nous avons déjà expliqué dans une grande portion des textes de la charia que nous venons de mentionner dans le cours dernier, et qui ordonne aux musulmans de suivre et qui avertit contre le danger des innovations, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la bonne nouvelle et a annoncé une bonne récompense, une bonne nouvelle à celui qui s'accroche à ce sunnah. Et c'est une des plus grandes, parmi les bonnes nouvelles, hein, et une des plus grandes choses qui sont recherchées par le croyant. Et c'est la chose en réalité que tout croyant qui a un grain de foi dans son cœur, ou un atome de foi dans son cœur, et bien c'est ce que ce croyant-là s'efforce d'atteindre, hein, et c'est-à-dire d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. Ça c'est le but de chaque croyant, le but ultime bien sûr. Et le chef il dit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer ce point-là. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit tous les individus de ma umma entreront au paradis, excepté celui qui refuse. Tous vont rentrer au paradis, excepté celui qui refuse. Les sahaba ont dit, qui va refuser, ya Rasulallah, hein? Qui refuserait? Qui? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit, il rentre au paradis, tandis que celui qui me désobéit, voilà celui qui a refusé. Voilà celui qui a refusé. Non. Ça, c'est un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le chef, il continue en disant, وَأَيُّ إِبَاءٍ وَرَفْضٍ لِلسُنَّةِ أَعْظَمُ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ بِالْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ وَالْإِبْتِدَاعِ فِيهِ. Et il dit, quel plus grand refus de la sunna que celui de contredire son ordre, hein, en voulant dire, est-ce qu'il y a un refus plus grand de la sunna que de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en amenant des choses nouvelles et en innovant des bid'a dans la religion? Ça c'est une des plus grandes formes de refus. Hein, de suivre pour un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'amener des innovations. Et le chef il cite par la suite une parole d'un sahabi qui dit قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فصادت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. قال ديها موسيني دوزن في الكتبة. Et c'est une citation de Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, qui dit, accrochez-vous à la voie, ou suivez la voie et la sunna. Car il n'y a pas un serviteur, ou tout, car tout serviteur qui suit la voie et la sunna, et qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ses yeux pleurent, ou qu'il pleure, et que des larmes coulent de ses yeux par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien, tout serviteur à qui ces choses-là lui arrivent, et bien, le feu de l'enfer ne le touchera jamais. Donc, le cheikh, c'est comme il essaie de nous faire comprendre que, c'est seulement si tu suis la sunna et la voie que tu entres parmi ceux à qui cette chose-là t'applique. Et après, il mentionne une autre chose en disant que de faire peu de la sunna, de faire un petit peu de bonne action, peut-être que tu fais le minimum de ce que tu dois faire, et bien c'est beaucoup mieux si tu le fais constamment que de faire beaucoup de choses, mais que tu ne le fais pas selon la sunna. Alors que le professeur Aslam a dit que celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée. Donc quelqu'un peut en faire des centaines et des centaines de formes de bid'a, et il croit qu'en faisant ça, il se rapproche d'Allah. Alors qu'en réalité, c'est des choses qui n'ont aucune signification, ni aucune valeur pour Allah. Donc, c'est important de s'accrocher à la sunna, même si c'est une petite chose, ça a une grande valeur pour Allah. Au moins, elle a une récompense. الشيخ يقول على السويد وإنما من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة ولهذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قوله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فدل الحديث على أن كل محدث أو كل محدث أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة ومعنى ذلك أن كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة فمنها ما هو كفر صراح أو كفر صراح ومنها ما هو من وسائل الشرك ومنها ما هو فسق ومعصية نعم ومنها ما هو فسق ومعصية نعم donc on va lire qu'est-ce que ça signifie, on va traduire. Cheikh dit, et celui qui médite sur les textes du Coran et de la Sunna, il va se rendre compte que les bid'ahs dans la religion sont des choses muharrama, c'est-à-dire elles sont haram, c'est interdit. Et elles sont rejetées, elles retournent à la personne qui les a fait, c'est-à-dire elles sont rejetées vers la personne qui les a fait. La personne n'a aucune récompense pour les avoir fait. Min ghayri farqin bayna bid'atin wa bid'ah. Sans qu'il y ait aucune distinction entre une bid'ah ou une autre. C'est-à-dire toutes les bid'ah sont rejetées. Et toutes les bid'ah sont haram. Et ça, c'est comme j'avais déjà mentionné une fois, il y a des gens qui pensent que quand tu leur dis quelque chose est bid'a, il y a le fait qu'ils pensent que c'est bid'a hasana, mais aussi c'est qu'on dirait que beaucoup de musulmans, les arabes, et même des non-arabes, et surtout des non-arabes en fait, quand tu leur dis le mot bid'a, on dirait qu'ils ne prennent pas aucune signification de ce que ce mot-là signifie. Et pour eux, c'est comme si tu leur dis un mot dans une autre langue étrange. Hein? Mais quand tu leur dis haram, là tout de suite ils comprennent, là c'est clair, haram ça veut dire c'est interdit si tu le fais, tu restes une punition d'Allah. Tandis que la bid'a, c'est haram, et c'est pire que haram encore. Puisque dans la bid'a, il y a des choses, des conséquences à la bid'a qui amènent des formes de punition et d'égarement plus graves que de faire simplement un péché. Comme on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Parce que la personne qui commet un péché, elle peut toujours se repentir parce qu'elle sait que Allah aime pas ce qu'elle fait. Tandis que la bid'a, la personne qui commet cette bid'a, elle pense que ce qu'elle fait est plaisant à Allah, que Allah l'aime. Donc elle risque de ne jamais se repentir parce qu'elle suit ses passions. D'accord? Donc ça c'est le danger des bid'a. Et donc c'est pour ça que lorsque tu expliques à un musulman le mot bid'a, tu lui dis en même temps que c'est haram. Et là, il risque de comprendre un peu mieux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après, le chef il dit, sans qu'on fasse une distinction entre une bid'a et une autre. Toutes les bid'a sont mauvaises, elles sont toutes rejetées. Il n'y a pas une distinction entre une ou une autre. Malgré que il est possible qu'il y ait des degrés d'interdiction par rapport à une bid'a selon sa catégorie. D'accord? Donc il y a certaines bid'a qui ont des différents niveaux de l'interdiction. Il y en a certaines bid'a qui peuvent t'amener au kufr, d'autres bid'a qui t'amènent au shirk, et d'autres bid'a qui t'amènent à d'autres péchés. Donc ils peuvent avoir un niveau différent dans l'interdiction qu'ils ont, mais ce ne sont pas nécessairement c'est pas pour dire que une bid'a est moins pire qu'une autre nécessairement, elles sont toutes mauvaises. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم et c'est pour ça que l'interdiction de la bid'a est venue d'une seule façon, c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم l'a interdit en bloc. Il l'a interdit d'un bloc. Il n'a pas fait de distinction entre une bid'a ou une autre. Il les a interdits en entier. C'est ça que ça veut dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement expliqué, il a dit « Iyakum wa muhdathat al-umur » et ça c'est général, il a dit « Je vous préviens de toutes les choses nouvelles ou choses qui sont inventées, de nouvelles choses inventées dans la religion. » Il a dit « Fa inna kulla muhdathatin bid'a » il a dit « Toutes »« Kullu » ça veut dire « Toutes » sans exception. Pour que quelqu'un puisse venir et dire que ce « kulla » il est limité par quelque chose, il faut qu'il y ait une autre preuve de la charia, soit du Coran ou de la Sunna, qui vient mettre une exception dans ce kul, ou dans ce tout-là. Et il n'y en a pas. Donc, kullu bid'atin dalala. Toutes les bid'a sont, c'est dalala. Kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui invente quelque chose dans notre religion, alors elle sera rejetée. Et le chef il dit que dans ce hadith il y a une preuve que toute chose qui est inventée dans la religion, alors c'est une bid'a. Et toute bid'a est un égarement qui est rejeté par Allah SWT. Allah il n'accepte pas, il ne va pas la récompenser. Et la signification de ça, c'est que toutes les bid'a, toutes les innovations, soit dans les formes d'adoration, ou soit dans les croyances, sont toutes interdites. Mais, par contre, l'interdiction peut avoir différents niveaux ou différents degrés selon la catégorie de bid'ah. Il y a certaines bid'ah qui sont kufr clairs, comme par exemple le fait de la bid'ah de Jahmiya, qui nie, par exemple, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est kufr. D'accord? Ou bien de nier le qadar. C'est une bid'a dans l'aqida. C'est kufr. D'accord? Ou bien la bid'a de bâtir sur les tombes. C'est pas kufr nécessairement, mais c'est quelque chose qui amène qui peut amener les gens à commettre le shirk. Par exemple, les gens, un homme est mort, on construit sur son tombeau un sanctuaire ou une mausolée ou des choses comme ça. Alors les gens qui vont venir, à côté ou dessus ou par-dessus, Les gens, ils vont venir, ils vont dire, ah, mais ça, c'est un grand homme. Si les gens ont fait ça sur sa tombe, c'est sûrement parce que, il y a quelque chose de particulier à son sujet. Et donc, ils vont aller commencer à offrir à cette personne-là des formes d'adoration, soit des du'as, soit des sacrifices, d'animaux à sa tombe, en échange de faveurs ou de vœux, ou des choses de ce genre. Donc, ça, c'est des formes de shirk. Mais le fait de bâtir la tombe, c'est une chose qui peut amener au shirk. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a dit par exemple, يعني لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. La musulmane et juifs et les chrétiens, parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière, comme des mosquées. Ils ont transformé ces tombes-là en mosquées. مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Et dans un autre hadith, il a dit aussi, هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره يعني تمثيلا أولئك شرار الخلق عند الله. ولا لخير لكرياسيون والله سبحانه وتعالى في سوق فونسا. Il a dit, ils sont massivants et qui viennent aussi bâtir des choses sur les fonds. Ça, c'est un exemple d'une chose qui amène au shirk et qui est une bid'a aussi parce que le professeur Hassan ne l'a pas fait, ni les sahaba, ni les tabi'in. Et ceux qui sont venus avec ça, c'est les shi'a qui sont venus plus longtemps après, qui ont commencé à innover ça. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Irak. Ils font les pèlerinages dans les mosquées à Najaf et à Karbala. Et ils ont bâti sur ces tombes-là des mosquées. Et c'est ça qu'ils prennent comme mosquée. Alors que c'est interdit de prier dedans. Et ils font sauter les d'autres mosquées, des choses comme ça. Donc, et parfois, c'est des mosquées où il y a aussi des sunnis, mais ce sont des sunnis qui ne sont pas sunnis en réalité, puisqu'ils sont dans d'autres formes de shirk et de bid'a. Ouais. Par exemple, ce sont des soufis, ils ont bâti leur mosquée sur une autre tombe d'un wali ou d'une autre personne. Et ça, même s'ils sont des sunnis, ils n'ont rien à voir avec la sunna, puisqu'ils sont en contradiction avec la sunna. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour vous faire voir. Et il y en a d'autres, par exemple, qui vont faire al-mawlid, ils vont célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ça, c'est une bid'a aussi, même si ça, c'est pas nécessairement kufr ou shirk, mais c'est une chose qui est interdite en elle-même puisque c'est une bid'a, et ça peut amener au shirk. Parce que dans les événements là qu'ils fêtent, lorsqu'ils font al-mawlid, il y a souvent des récitations de poèmes et de chansons, et dans ces poèmes-là, il y a souvent des paroles de roulou, des formes d'exagération envers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces poèmes-là et dans ces chansons, on les décrit avec des caractéristiques divines qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des formes de shirk là-dedans, comme le poème qu'il récite à chaque fois, Al-Burda de Al-Busayri. Et puis il y a d'autres aussi, pire que celui-là peut-être encore. Et puis aussi le fait que il y en a parmi ces gens-là qui croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un certain moment, il est présent en personne. Il apparaît parmi eux, il croit qu'il vient se présenter parmi eux, comme les Diobandiya en Inde. Et d'autres aussi parmi ces gens-là, comme Al-Brainouïa, et d'autres groupes soufis de la même tendance. Même. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a d'autres formes de bid'a et de il y a d'autres choses haram aussi qui se produisent, c'est qu'ils en profitent pour se mélanger entre les hommes et les femmes, l'ikhtilaf. Il y a le fait qu'il y a de la musique et des fois même de la danse et toutes sortes de formes de péchés, comme dans les fêtes et les célébrations des kuffars, donc ils émettent ça. Et ils font, même parmi eux, certains vont même peut-être boire de l'alcool, dans ce jour-là, parce qu'il croit que c'est une excuse pour faire ces choses-là, et pour répéter, c'est de faire des péchés. Donc ça c'est pour vous montrer comment la bid'a amène souvent à des péchés, en partant du shirk et du kufr, et en descendant, etc. C'est certain que parmi les gens du livre, il y en a eu beaucoup de bid'a. Mais c'est ça qui a fait qu'ils se sont divisés en 71 et 72 sectes. Et c'est comme ça que cette umma ici va se diviser en 73 sectes. Wa alaykum salam wa rahmatullah, kulluha finna'a illa wahida. Ils seront toutes dans l'enfer, excepté une seule. Qila man hiya ya Rasulullah. Laquelle dans celle sera-t-elle, ya Rasulullah? Il a dit, c'est celle qui me suit moi et qui suit mes compagnons. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre que il y a des différents degrés dans l'interdiction. Mais en général, la bid'a c'est en entier c'est haram et c'est mauvais et c'est rejeté. Cheikh dit ensuite, wa inna al-muta'ammil fi turq ahl al-zayr wa al-dalal يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الشيخ الزي lorsqu'on médite et on observe les voies des gens de l'égarement et de la déviation, on trouve que leur voie contredit totalement la voie des gens de la guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Ali Imran, il dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait descendre vers toi le livre. Parmi les versets de ce livre, il y a des versets qui sont clairs et qui sont les fondements du livre. Tandis que d'autres versets sont prêts à plusieurs interprétations. Hein? Donc il y a des versets qui sont clairs et qui ne portent qu'à une seule interprétation qu'on appelle muhkama, qui sont des versets clairs, hein, et qui sont les fondements du livre, et d'autres versets qui sont qu'on appelle mutashabihat, c'est-à-dire ce sont des versets qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ceux qui ont dans leur cœur une tendance vers la déviation. Eux, ils font exprès de suivre ces versets-là, c'est-à-dire de suivre les versets qui prêtent à plusieurs interprétations. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent par ça à créer de la fitna, c'est-à-dire à créer du désordre, à créer de la division, à créer des troubles, à créer des problèmes. وابتغاء تأويله. Et essayer de trouver et de chercher l'interprétation de ces versets-là. Et imam, c'est vrai, donc ça c'est dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim, si vous voyez les gens qui suivent ceux qui prêtent à plusieurs interprétations dans le Coran, alors sachez que c'est ceux-là dont Allah subhanahu wa ta'ala avait parlé dans ce verset, alors prenez garde à ces gens-là. Surat Ali Imran, verset Ali Imran, c'est dans les premiers versets dans cette surah, c'est le verset 7 dans Surat Ali Imran. Non. C'est-à-dire, ça parle que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé vers toi le livre, et dans ce livre, il y a des versets qui sont clairs, hein, qui sont les fondements du livre, alors qu'il y a des mutashabihat, il y a les muhkamat qui sont clairs, il y a les mutashabihat. Mais les gens qui suivent la déviation, eux, ils cherchent uniquement les mutashabihat, parce qu'ils cherchent, parce que quand ils cherchent les mutashabihat, les versets qui prêtent à plusieurs interprétations, eh bien, ils cherchent en suivant ces versets-là, à créer de la fitna, à créer du désordre, à créer des confusions, à créer de la division, à interpréter le livre selon leur passion et leur désir, hein, pour égarer les gens ou pour s'égarer eux-mêmes, et aussi pour chercher à interpréter les choses selon leur désir. Et le prophète, ensemble, comme je viens d'expliquer, متشابهات et puis محكمات. نعم. Donc le cheikh il dit par la suite, قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا شيعا لست منهم في شيء. Ceux qui ont, alors ça l'a dit dans un verset, ce qui signifie ceux qui ont divisé leur religion et qui se sont mis en secte, tu n'as rien à voir avec eux en quoi que ce soit. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en même temps à sa umma. Et après il dit par ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de ne pas suivre les voies d'égarement qui nous égarent de son chemin. Et si on observe bien dans ce verset-là, on voit que quand Allah parle de l'égarement et du mensonge, il parle toujours au pluriel, et quand il parle de la vérité, il parle au singulier. Hein? Quand il dit « wala tattabi'u subul », le « subul » c'est le pluriel de « sabil ». Hein? Donc, as-subul, c'est pluriel parce que l'égarement et le mensonge sont pluriels, sont toujours plus, sont toujours nombreux. Tandis que la vérité n'est qu'une. Ok? Wa, il dit, fatafarraqa bikum an sabili. Sabil, singulier. Subul, pluriel. Et l'égarement et la division, toujours pluriel. Tandis que l'unité et la guidance, c'est toujours vers singulier, vers l'unité. Ensuite, le Cheikh dit, فَأَهَمُّ عَلَامَاتِ أَهْلِ الزَّيْرِ. Le plus important parmi les signes des gens de la déviation, الأول, le premier, الفرقه, التي نبه الله عليها في قوله, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا, شِيعًا لَسَّ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Le plus grand parmi leurs signes, c'est le fait qu'ils sont divisés. Ils sont des gens de division. Et ça, c'est clair dans le verset qu'Allah a mentionné, dans lequel on vient juste de le lire, qui dit que les gens qui ont divisé leur religion et qui se sont mis en secte, tu n'as rien à voir avec eux en quoi que ce soit. Et après, dans le deuxième point, c'est que ce sont des gens qui suivent ceux qui peuvent prêter à plusieurs interprétations, comme on vient de lire dans le verset qui a précédé tout à l'heure, dans Surat Al-Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Et Allah il dit dans un autre verset un dua pour les musulmans, pour les croyants, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Ça c'est dans le même verset. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Oh notre Seigneur, ne met pas de déviation, ne nous fait pas dévier après nous avoir guidés. Et donc c'est important de toujours demander ça à Allah. قلوبنا بعد إذ هديتنا. Et après, le troisième, اتِّبَعُ الْهَوَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Et dans un autre verset, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Ça veut dire de suivre ses passions, la passion. C'est un des signes des gens de l'égarement et de la déviation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. En ce qui concerne ceux qui ont dans leur cœur une déviation, ça c'est dans le verset d'Al-Imran. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion? Il a pris sa passion pour son Dieu. Il suit sa passion. Sa passion est devenue son Dieu. Donc, même s'il voit un verset du Coran, il ne va pas le suivre parce que sa passion est plus forte que sa foi en le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous protège de la passion. Quatrièmement, mu'aradatul kitab, mu'aradatul sunnah bil Qur'an. Ils essaient de contredire, ils essaient d'opposer la sunnah par le Qur'an. Ils essaient d'opposer la sunnah par le Qur'an. Ça, c'est un de leurs signes. Cinquièmement, bourdou ahl al-athar. Le fait de détester les gens qui suivent les hadiths et la sunna. Ahl al-athar, qui suivent l'athar. Numéro 6, itlaq al-alqab al-sayya ala ahl al-sunna. De donner aux gens qui sont parmi ahl al-sunna, de leur donner des mauvais sobriquets ou des mauvais surnoms. D'essayer de les traiter de noms, hein, qui sont négatifs ou mauvais, ou péjoratifs. 7. Tarq al-tihan madhhab al-salaf. C'est-à-dire que ce sont des gens qui refusent ou qui abandonnent le fait d'appartenir à la voie des salaf. Hein. Et le cheikh, il donne une citation en bas du cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit, قال شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah في مجموع الفتاوى أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يحصل الجهل أو يقل العلم. الشيخ Ibn Taymiyyah, il dit dans مجموع الفتاوى, il dit, en ce qui concerne le fait que des gens en ce qui concerne, non. Le fait de dire que par exemple la voie des salafs deviendrait un des signes des gens de Bid'a, alors il dit ça c'est faux, c'est complètement non, mais faux. Pourquoi? Parce que c'est pas possible, excepté si c'est relié au fait qu'il y a trop d'ignorance et peu de connaissance. Donc, ça peut pas arriver que les gens de Bid'a utilisent comme signe ou comme appartenance la voie des salafs, excepté à un endroit ou un moment où les gens sont trop ignorants et qu'ils ont peu de connaissance. Dans ce cas-là, c'est possible que ces gens-là s'apparentent ou essaient de s'identifier à la voie des salafs, mais c'est uniquement à cause de l'ignorance des gens, et à cause de l'ignorance et du peu de connaissances qu'ils ont. Puis par la suite, il dit, le chef, il dit, « قلتُ وقد وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة والتي بعضها على فكر الخوارج اسم السلفية وزعم أن القاسم المشترك بينهما هو السلفية وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو أن المقصود هو تمنيع الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وصحيح السنة بفهم السلف الصالح لإدخال الطوائف المنحرفة في دائرة أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit que dans notre époque aujourd'hui c'est arrivé que en fait c'est arrivé à notre époque que des gens se prétendent être sur la voie des salafs alors qu'ils n'ont rien à voir avec la voie des salafs, et il y a même des gens qui ont attribué à certains groupes contemporains parmi les groupes de Hizbi, hein, les partisans de partisanerie contemporaine, certains parmi de ces groupes qui ont des idéologies parmi les idéologies de la secte des Khawarij, ils se sont donné le nom de Salafiyya, comme les gens qui disent Salafiyya du Hadiyya, ou des choses de ce genre, hein. Ou bien Salafiyya Siyasiyya, hein. Et qui adoptent les idéologies des Khawarij, qui n'ont rien à voir avec les Salafs, ou la voie des Salafs. Donc, le Cheikh, il dit que certains parmi eux ont cru qu'ils avaient quelque chose en commun, et, avec la voie, ou la da'wa Salafiyya. Et le cheikh il dit que ça, la cause de cela, c'est uniquement à cause de la grandeur, de la grande ignorance et du peu de connaissances qui est répandue, comme l'a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ou bien que le but de ça, le but du fait que ces gens-là essaient de s'attribuer à la voie des salafs ou d'appartenir à la voie des salafs, c'est qu'ils veulent en réalité essayer de diluer la voix des salafs, hein, et ils essaient de la mélanger avec d'autres choses qui n'ont pas rapport avec cette da'wah pour essayer de d'inclure à l'intérieur de la voie des salafs des différents groupes parmi les groupes déjà de bid'a qui sont apparus à travers l'histoire pour que pour essayer de les faire passer comme étant des gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc alors qu'en réalité ils n'ont rien à voir avec eux. Donc on retourne encore au huitième point, le cheikh il dit « Takfiru mukhalifihim bighayri dalil ». Une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils essaient toujours de déclarer ceux qui s'opposent à eux d'être des kuffars. Ils les traitent de kuffars sans aucune preuve, c'est-à-dire sans aucune preuve du Coran ou de la Sunna. Et là, ça c'est une des preuves déjà de l'égarement et de bid'ah. Et le cheikh dit le neuvième point, al-ijmal fi mawadi'in tahtaju ila tafsil wa bayan والقياس على ما لا يصح القياس عليه قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس قلت وما ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب تجنب ذلك أولى وأحرى. Le cheikh il dit que le fait d'amener des généralités, yani, de parler d'une façon générale dans des sujets qui ont besoin d'être clarifiés avec précision et clarté, et bien ça c'est une de leurs caractéristiques des gens de bid'ah. Lorsqu'il parle d'un sujet qui mérite d'être clarifié en détail, ils en parlent de façon générale et de façon vague, sans jamais spécifier ou clarifier quoi que ce soit. Et ils amènent des formes de qiyas dans des choses qui n'ont pas à être comparées. Ils font des analogies dans des choses qui ne sont pas possibles d'être comparées entre elles. D'accord ? وقال الإمام أحمد, l'imam Ahmed a dit, celui qui parle dans le fiqh, il doit éviter ces deux fondements-là. La généralité, de parler d'une façon générale et de faire des prières. Ça, c'est des choses qu'il doit essayer d'éviter. Et, le cheikh, il dit, la plupart des gens, lorsqu'ils font des erreurs, ils font des erreurs dans les questions de ta'wil et de prière. Ça, c'est les deux choses dans lesquelles ils se trompent le plus souvent. Et le cheikh, il dit, et ce que l'imam Ahmed a mentionné ici, de prévenir les gens de ces deux fondements d'égarement là dans le fiqh, eh bien ça prouve que c'est encore plus important de s'en éloigner dans les questions de aqidah, parce que la question de aqidah c'est encore plus sérieux que les questions de fiqh, puisque l'égarement dans l'aqidah ça t'amène en dehors de l'islam, tandis que l'égarement dans le fiqh ou de faire une erreur dans certaines questions du fiqh, ça t'amène pas nécessairement en dehors de l'islam, hein. Donc c'est pour ça que c'est très, très, important de faire la distinction. Et on voit ici que le chef a mentionné un point qui est très intéressant. Donc, d'après moi, je pense que ici c'est très bien de s'arrêter tout de suite. Parce que sinon, à moins qu'on fasse encore, une page, qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, on a fini le point numéro 7. On doit entrer dans le point numéro 8. Il est assez dense. Il est assez dense. Donc, je sais pas moi. Il est. Attendez, laissez-moi voir. Je vais juste vérifier. 10 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Comme ça va faire une heure. Alors 15 minutes, Inch'Allah. Donc dans 15 minutes, avertissez-moi. Il est 9h? Moins tard, ok. À 9h pile, on arrête, Inch'Allah. Ba'dul qawa'id fil manhaj salafi. Certains principes fondamentaux ou certains principes de base dans la méthode ou dans la méthodologie ou la voie des, yani la voie salafie. La voie des, donc ici la voie des salaf, certains principes dans la méthodologie des salaf. Premièrement, أولاً قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Le premier principe, un principe en ce qui concerne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. L'ordonnance du ma'ruf et l'interdiction du munkar. Le cheikh dit المراد بالمعروف جميع الطاعات وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات. D'accord. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on veut dire par ma'rouf? Quand on dit al-amru bil-ma'rouf, ordonnance du ma'rouf, qu'est-ce que signifie le ma'rouf? Voici la définition que le chef donne. Al-ma'rouf, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les actes d'obéissance. C'est ça le ma'rouf. Tous les actes d'obéissance. Et le cheikh il dit, parmi les plus importants de ces actes d'obéissance pour Allah, c'est quoi? D'adorer Allah uniquement et de ne rien associer avec lui et de lui vouer un culte pur et exclusif, c'est-à-dire à lui seul. Et de laisser tomber l'adoration de tout autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus grand parmi le ma'ruf, parmi les obéissances d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà le plus important. Ensuite, vient tous les autres formes d'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui sont obligatoires ou les choses qui sont recommandées. Et le chef il dit par la suite, والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله فجميع المعاصي والبدع منكر وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل. نعم. Donc le cheikh il dit que le munkar, quand on dit النهي عن المنكر, qu'est-ce que ça veut dire ce munkar? C'est tout ce que Allah et son messager ont interdit. Donc, toutes les interdictions, toutes les péchés, toutes les désobéissances et les innovations, les bédas, sont munkar. D'accord? Et parmi les plus grandes formes de munkar, la plus importante, la plus grave, parmi toutes les formes de munkar, c'est quoi? Shirk billah. C'est-à-dire d'associer quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration, ou dans ses noms, ou ses attributs, ou dans sa royauté, hein. Même des amulettes. Des amulettes. Amulettes. Des amulettes. Oui. Pas des amulettes. Moi, je pense que j'ai amulettes. Tu sais qu'on est là. Oui, amulette. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Mais c'est pas facile, c'est pas difficile de se tromper dans ce mot-là. Je verse une lettre, hein. Ami. Moi, je crois que c'est amulette. Alhamdulillah, maintenant j'ai compris ce que tu voulais dire. Alhamdulillah. Donc, toutes les formes de shirk entrent dans le shirk. Il y a tout ce qui est shirk, on en a parlé déjà. Amulette, le porter les amulettes, on a parlé de ça. On a dit qu'il y en a des formes qui sont al-shirk akbar et d'autres formes qui sont shirk asghar. On a clarifié les deux catégories et donné les règles et les conditions à ce sujet-là. Tu t'en souviens? Non, je m'en souviens parce que moi je vois que le fait de travail et puis pas comme c'est l'histoire comme toi tu sais. Non. J'ai travaillé avec des Asiatiques. Ah oui, les Asiatiques, c'est-à-dire les gens qui sont par exemple des bouddhistes. Ou d'autres philosophies asiatiques de ce genre, c'est parmi les peuples les plus superstitieux et les gens qui s'attachent le plus au porte-bonheur et à ce genre de choses. Subhanallah, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et ça, c'est à cause de quoi? Ça vient déjà à la base de leur croyance en le shirk. Hein? Leur croyance en le shirk. Subhanallah. Yani, ici, les Occidentaux, et ce soir ici au Québec et ailleurs, ils ont une tonne de formes de superstition, puis de genre de croyances de ce genre, oui, de porte-bonheur et tout. Mais les Asiatiques, les Mouchriquines en Asie, eh ben, c'est pire encore. Et chez les musulmans, Allah Musta'an, malheureusement aussi, ils se laissent affecter aussi par ces choses-là. Hein? Et puis malheureusement, c'est des choses qu'on doit purifier parmi les peuples musulmans aussi, les ramener à l'enseignement du Coran et de la Sunna, et leur expliquer clairement le tawhid, les conditions et les règles du tawhid, pour qu'ils laissent tomber ces choses-là, Inch'Allah, avec la connaissance et l'explication, ils vont revenir, Inch'Allah. Le Bouddha, il a un gros ventre. Et quand il le met dans son chandail, ça gonfle son chandail. Hein. Parce que le Bouddha, il est enceinte. Oui, il a dit. C'est une blague. Il a dit que vous avez moins de mèches noires. Allah, les hindous aussi, il ne faut pas oublier. Mais vous savez, huit mains, ça c'est Vishnu. Ça. Mais pour vous dire, la plupart de la culture des Chinois, des Asiatiques, vient de l'Inde. Vient de l'Inde, oui. Bouddha, c'était un hindou. Hein? Lui-même, Bouddha, c'était un hindou, le personnage. Non, c'est pas un prophète. Non, c'est pas un. Il n'y a rien dans ses enseignements qui prouve que c'est un prophète. Même, il n'y a rien qui prouve qu'il croyait à Dieu. Alors, on peut même pas dire que. Non. Il n'a pas de livre qu'il a écrit lui-même, mais c'est peut-être des disciples qui ont écrit des livres là et tout. Mais le fondement de sa religion, c'est le shirk. Et beaucoup de groupes soufis se sont inspirés des croyances bouddhistes pour fonder leur palais soufi. Oui, comme le nirvana, là. L'idée qu'une personne, quand il atteint un certain état ou un certain niveau, il devient un avec l'esprit universel. Ça, c'est exactement la croyance de certains soufis, là, en al-fana, le principe qu'ils ont inventé de fana, c'est-à-dire de fusion avec Dieu, ou hulul, de croire que Dieu entre en une certaine personne. Et fait partie d'une certaine personne. Ou bien la croyance en Wahdatul Wujud, comme on en a parlé la dernière fois. On croit que tout l'univers est la créature. La créateur et la créature est un. Et qu'il n'y a pas de distinction entre les deux. Et que tout ce qui existe est Dieu. Donc ça, c'est la croyance des hindous, des bouddhistes et de tous les autres mouchriquins. Et certains soufis, ils ont incorporé ça dans leur croyance. Et donc, ils ont imité les bouddhistes et les autres formes de shirk. Les autres peuples se sont égarés avant. Pardon? Un hindou, ouais. C'est un hindou. C'était même un prince hindou, Bouddha. Non, il faisait partie des nobles parmi les hindous et il a quitté son royaume, il a quitté son palais, sa richesse et tous ses vêtements, ses habits et tout. Et puis il est allé se retirer loin dans une montagne, etc., pour méditer. Pour essayer de comprendre, de donner un sens à l'existence, à sa vie et tout. Et puis c'est là que soi-disant il a atteint l'état d'éveil ou d'illumination, puis qu'il est devenu Bouddha. En tout cas. Non, mais ça s'est transmis. Il y a des gens qui sont partis de l'Inde, qui l'ont amené en Chine et ailleurs. Et ça arrive au Japon, ça arrive en plein d'autres peuples après. Mais n'oublie pas aussi que même le kung-fu, là, puis toutes ces affaires-là, ça vient de l'Inde. ça vient pas des Chinois, c'est les prêtres bouddhistes qui ont mis ça en Inde, en Chine, et après que les autres ont mis ça en Inde. Ouais, dans les arts martiaux, oui. Ils te demandent de t'incliner devant ton prof et tout, là. Et ça, c'est interdit pour un musulman de s'incliner devant un autre être humain. Ou une autre chose que Allah. Donc, si tu suis ces cours-là, tu n'as pas le droit de t'incliner ou de te prosterner devant une image ou devant ton professeur. Non, tu n'as pas le droit de t'incliner devant personne excepté Allah. Si tu salues, c'est pas permis de saluer les gens de cette façon dans l'islam. Non, ça c'est quelque chose qui est très important et à comprendre. Oui. Donc, le cheikh il dit, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وجوب كفائي لا عيني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. Donc le cheikh ici il explique que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est obligatoire pour cette umma de façon kifa'i. Qu'est-ce que ça veut dire kifa'i? Ça veut dire lorsqu'il y a une quantité suffisante de gens qui le font, ce n'est plus obligatoire pour le reste. Mais ce n'est pas obligatoire à chaque individu en tant que tel. Si un groupe de la Oumma a rempli cette obligation, ce n'est plus obligatoire pour le reste de la Oumma et ils ne sont pas dans le péché. Tandis que si tous les musulmans l'abandonnent, ils sont tous pécheurs. Et la preuve de ça, c'est dans le verset que Allah SWT mentionne, et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui ordonne le bien et qui interdit le mal, et voilà ceux qui auront le succès. D'accord? Donc, en se basant sur ce verset-là, les ulama ont expliqué que c'est pas une obligation qui est à chaque individu, mais s'il y a un groupe parmi les musulmans qui ont appliqué cet ordre, alors c'est plus obligatoire pour le reste, ça devient uniquement mustahab. Ça ne devient pas fard ou wajib, ça devient uniquement recommandé. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici et on va compléter l'explication de ça, Inch'Allah, mercredi prochain, bi'idhnillah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va lire la semaine prochaine l'explication de Ibn Taymiyyah de ce verset-là. D'accord? Les gens de Tablier, premièrement, ils n'ordonnent même pas le ma'rouf, parce que le plus grand ma'rouf, on a expliqué, c'était quoi? Le tawhid. Et ils interdisent même pas le munkar, puisque le plus grand munkar, c'est quoi? Le shirk. Le ma'rouf, c'est le tawhid. Ouais, c'est là, ibadatullah wahda. Et ils n'enseignent pas ça, le tawhid. Et le shirk, ils interdisent pas ça non plus. Ils connaissent même pas qu'est-ce que la différence entre le tawhid et le shirk. Alors c'est une preuve qu'ils n'appliquent pas. C'est merci. Donc on va arrêter, puis on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine.